Grazia Deledda, conte sarde, la ressemblance. Jorgi Preda, surnommé Tiligerta, le lézard, était debout en haut d'un tertre de gazon, appuyé sur une houlette. Il y avait plus d'un quart d'heure qu'il attendait sa petite amie Nania, la fille du cantonnier. Tiligerta faisait la cour à Nania depuis 3 semaines, c'est-à-dire depuis qu'il la connaissait. Chaque après-midi, vers 2 heures, Nania passait sur la route, allant aux rues chercher de l'eau pour la maison. Et Jorgi l'attendait en haut du tertre, faisant semblant de surveiller les brebis, qui alors paissaient parmi les broussailles, à la lisière du bois de chêne-liège. Sitôt qu'il voyait Nania poindre sur la blancheur désolée de la route, Jorgi se précipitait de son observatoire et se retirait dans l'ombre à l'abri du tertre. Et lorsque Nania, ayant sur la tête une longue cruche décorée d'arabesques et semblable à une amphore étrusque, arrivait derrière le tertre, elle s'arrêtait, toute frissonnante d'amour et de peur. Car si son père s'était aperçu qu'elle se laissait faire la cour par Tiligerta, il lui aurait certainement cassé les reins. À cette heure-là, Zio Gavino Faldedda faisait un petit somme ou s'occupait à cultiver le bout de jardin attenant à sa maison. Mais il ne fallait pas trop s'y fier. Dans l'ombre du tertre, dans le grand silence de midi, sous le ciel d'un bleu de pervenche, les deux jeunes gens causaient pendant 5 ou 6 minutes, n'échangeant guère que des phrases banales et se dévorant des yeux, mais sans se toucher même le bout des doigts. Et ensuite Nania, songeuse, poursuivait son chemin, tandis que Jorgi pénétrait dans le bois, en poussant des soupirs qui s'échappaient du fond de son cœur. Certes, il était fier et content d'avoir enfin une amie à lui, dans cet endroit écarté, en pleine campagne, loin du village, près de sa bergerie solitaire. Mais malgré tout, il n'était pas heureux. D'abord, il y avait cette continuelle peur de Zio Gavino, qui, sûrement, ne se soucierait guère de marier Nania avec un pauvre diable, avec un simple pastoureau. Et puis, il y avait encore bien d'autres choses qui ne pouvaient se raconter. Mais baste, en attendant la conscription et toutes les calamités qui s'ensuivraient, Jorgi eût été heureux s'il avait pu obtenir un baiser de Nania. Hélas, c'était justement cela qui lui arrachait les plus douloureux soupirs. La petite n'avait pas la moindre disposition à embrasser, ne voulait pas entendre parler de baiser. Et Jorgi n'aurait pas osé seulement effleurer le bord de sa jupe sans qu'elle le permît. Ce jour-là, pourtant, il se sentait un grand courage, ou plutôt une ardeur insolite, causée peut-être par les feux du soleil, qui étaient brûlants, par l'immobilité de l'air, par le sauvage parfum émané du bois. « Ah ! » pensait-il, en fermant à demi ses yeux noirs un peu voilés, « aujourd'hui, il faut que je l'embrasse !» Nous verrons un peu ce qu'elle fera. Si elle se récrie, je lui dirai. Mais si les amoureux ne s'embrassaient pas, qui donc s'embrasserait, ma petite bergeronnette? Après, nous verrons bien ce qu'elle fera. Justement, ce jour-là, Nania tardait beaucoup à venir. Jorgi, toujours debout sur le tertre, commençait à s'inquiéter. En observant l'ombre de la longue houlette qu'il tenait à la main, il s'apercevait qu'il était déjà 2 heures passées. Il se disait, serait-elle malade? Oh mon Dieu, si elle avait mangé des herbes mauvaises, et si elle était malade! Yoci Preda, surnommé Tiligerta, était natif du village de Biti et pouvait avoir 18 ans. Avec un vieux berger de Nuoro, il gardait les brebis d'un riche propriétaire. Les pâturages où il stationnait était situé dans le voisinage d'une maison de cantonnier sur la route nationale entre Nuoro et Biti. Yorchi était beau garçon, et il le savait. Grand, bien musclé, agile comme un chat sauvage, les cheveux noirs et luisants d'huile, il avait un de ces profils sculpturaux, comme on en voit seulement du côté de Biti, avec des dents magnifiques. Mais sa peau était toute hâlée par le soleil, par le froid, et ses yeux sombres étaient presque effrayants. Élevé parmi les pâtres de Nuoro, il parlait le dialecte de cette bourgade. Mais il avait conservé le costume de son pays, rouge et brun, avec des culottes de serge jaunâtre, courtes, étroites, déchirés et sales. Depuis qu'il avait découvert la maison du cantonnier et qu'il s'était amouraché de la fille de Zio Gavino, il se lavait le visage et les mains, essayait de nettoyer ses vêtements, mais, en dépit de tous ses efforts, il restait noir comme le démon, et son bonnet et ses souliers exhalaient une mauvaise odeur de troupeau. Avec tout cela, il n'ignorait pas qu'il était beau garçon, et il avait la certitude que Nania l'aimait comme une idole. Le temps fuyait, et la fillette n'apparaissait pas encore. 1000 pensées fâcheuses commencèrent à tourmenter l'adolescent, de plus en plus douloureuses, à mesure que l'ombre de la houlette s'allongeait davantage sur l'herbe du tertre. Les yeux mi-clos, plus tristes que d'habitude, il regardait fixement l'extrémité de la route. Mais pas une âme ne se montrait dans l'immensité de la campagne environnante. En ce chaud après-midi de printemps, les bois de chêne-liège entremêlés de cistes, d'arbousiers et d'épines, tranquilles et silencieux, avaient sur leur frais feuillage verni le reflet d'un ciel clair qui, éclairant à perte de vue son azur perlé, se confondait dans le lointain avec les brumes de l'horizon. De ce tertre, Yorji apercevait la maison du cantonnier, dont la cheminée vomissait une spirale de fumée translucide. Mais il ne pouvait apercevoir la cabane de son parc à brebis, située à l'intérieur du bois. La route blanche, couverte de gravier, courait à travers la plaine et serpentait entre les bouquets d'arbres comme le lit d'une rivière desséchée par le soleil. Et, sur les deux bords, l'herbe croissait haute et drue. Une couronne de montagnes bleues fermait le paysage. Et Nania ne venait pas. Nania demeurait invisible. Les yeux de Yorji, extraordinairement animé tout à l'heure par la pensée de ce baiser que, de gré ou de force, il voulait donner à sa petite amie, s'obscurcissait de plus en plus et se mouillait presque de larmes. « Oh, Saint-Georges nous soit en aide, un malheur était arrivé. Peut-être que Nania était malade. Peut-être que Zio Gavino avait eu vent de quelque chose et empêché sa fille de venir à la fontaine. Peut-être qu'il l'avait rouée de coups. Peut-être que... Yōji se disposait à quitter son poste d'observation et à se rendre sous un prétexte chez le cantonnier, comme il l'avait déjà fait maintes fois, lorsqu'il entendit le galop des deux chevaux et vit passer, au milieu d'un léger nuage de poussière, deux beaux cavaliers qui, naturellement, ne daignèrent pas lui jeter un regard. Du reste, il ne leur accorda lui-même que fort peu d'attention, descendit du tertre et se dirigea vers la maison. À moitié chemin, l'émotion le cloua sur place. Il venait d'apercevoir la longue amphore fleurie qu'il connaissait si bien. Mais ce n'était pas Nania qui la portait. Ce n'était pas Nania, celle qui s'avançait dans la morne réverbération de la route blanche, avec un foulard jaune étalé sur les épaules et flamboyant au soleil. C'était sa petite sœur Arrosa. « Pourquoi est-ce toi qui vas puiser l'eau cet après-midi ? » lui cria-t-il avec une sorte de colère. Au lieu de répondre, Arrosa, qui, dès qu'elle l'avait reconnu, s'était mise à lui faire des grimaces, commença de chanter à tue-tête. « Tiligerta, tiligerta, mamma tua est incerta, babboton est morinde, tiligerta, battinde. » Lézard, lézard, ta mère te cherche, ton père se meurt. Lézard, va-t'en. » Mais il ne se fâcha point. Cela n'eût pas été à propos. Bien au contraire, il s'approcha d'elle et lui répéta plus doucement sa question. Alors, Arrosa, qui craignait d'être battue, lui fit un beau sourire et dit « Parce que Nania travaille ? Et à quoi travaille-t-elle ? Elle nettoie la maison, parce que l'entrepreneur et l'ingénieur sont là. Tu ne les as pas vus passer ? Ah oui, ces deux messieurs. Est-ce qu'ils viennent souvent chez ton père ? Quelquefois souvent et quelquefois point du tout. Ils viennent quand ils veulent. Qu'est-ce que ça te fait ? » Et elle continua son chemin. Mais le pâtre jugea bon de l'accompagner jusqu'à la fontaine pour avoir des renseignements sur ces deux messieurs qui, déjà, lui inspirait de la jalousie et du dépit, car ils étaient cause que Nania n'était pas venue. En longeant le tertre, il soupira. Puis il montra du doigt à la fillette les brebis qui dormaient à l'ombre et lui dit gracieusement « Veux-tu un petit agneau ? Un petit agneau blanc comme les dents d'un chien ?» Arrosa crut qu'il voulait se moquer d'elle, et, pour se venger, elle chanta de nouveau le quatrain du lézard. Mais Yōji l'aida gentiment à remplir la cruche plus haute qu'elle, la lui posa sur la tête et lui renouvela l'offre du petit agneau avec tant de sérieux qu'il réussit à savoir quelque chose. L'entrepreneur était de Nuoro. L'ingénieur, celui qui avait la barbe blonde, était un continental. Mais Arrosa le connaissait depuis longtemps, depuis très longtemps. Chaque fois qu'il venait à la maison du cantonnier, il donnait à Nania de belles pièces d'argent. Et celle-ci en remettait un peu à son père, en cachait un peu dans une vieille bourse de toile sous son matelas. Il ne donnait jamais rien à Arrosa, et par conséquent, celle-ci ne pouvait le sentir. « Comment s'appelle-t-il cet ingénieur ?» demanda Yōji sur un ton câlin. « Monsieur Giulielmo, ils coucheront chez vous ?»« Oui, et ils repartiront demain matin, au point du jour, pour aller à la maison de l'autre cantonnier. » Brusquement, Yōji quitta la fillette et s'éloigna d'un air renfrogné. « Tiligerta, n'oublie pas le petit agneau ! Le petit agneau !» lui cria-t-elle. Il ne répondit rien et disparut dans le bois. Une jalousie terrible commençait à le torturer. Il retourna à la bergerie, mais il était de si mauvaise humeur qu'il se disputa avec Zio Concafrisca, l'autre pâtre, et peu s'en fallut qu'il ne jouât du bâton. Après quoi il se remit à vagabonder dans le maquis, traînant son souci parmi la brousse embaumée, errant sous le crépuscule rose, incapable de rien faire tout le reste du jour. À la brune, il se rapprocha de la maison du cantonnier, mais il n'eut pas le courage d'en franchir la porte. Pendant une bonne heure, il rôda aux alentours comme une âme en peine. Enfin la nuit tomba, et il put venir tout près sans être vu. Il sortait encore de la cheminée un léger ruban de fumée bleue qui se perdait dans la sérénité du ciel limpide. Mais un profond silence régnait à l'intérieur. La porte était close, les fenêtres étaient closes, sauf une au rez-de-chaussée qui avait de la lumière et qui projetait sur la route un grand carré jaune. Giorgi vint à pas de loup près de cette fenêtre et observa ce qui se passait dans la chambre. C'était une chambrette pauvrement meublée, et le monsieur à la barbe blonde, celui qu'Arrosa avait dit être l'ingénieur, s'y promenait, tête nue et en manches de chemise. Il se préparait sans doute à se mettre au lit. Il était de haute taille, maigre, avec de petits yeux verdâtres qui, tirés au coin d'une façon singulière, donnait à toute sa physionomie une expression sympathique et souriante. Bref, c'était un bel homme, ni vieux ni jeune, mais un bel homme. Tandis que Giorgi l'examinait hostilement, il vit entrer Nania. L'amoureux eut un sursaut à la vue de la jeune fille, et, comme s'il craignait d'être aperçu par elle, il recula d'un bond silencieux. Un sinistre pressentiment le tenait angoissé, perplexe, et la vue de Nania lui donnait des frissons de tendresse, de désir et de jalousie. Oui, hélas, c'était bien elle, la petite fée mignonne et mélancolique. Que venait-elle faire dans la chambre du beau monsieur continental? Sur sa mignonne face de 15 ans résidait une gravité presque tragique. La mate pâleur de sa carnation était encore accrue par l'auréole de ses cheveux épais et frisés d'un blond de cendre. Elle inclinait un peu la tête sur l'épaule gauche, comme si la masse de ses cheveux clairs eût fatigué son front de fillette, devenue femme trop vite. Car les devoirs de la femme s'étaient imposés à elle avant l'âge. Depuis 2 ans que sa mère était morte, elle était la maîtresse de maison, la ménagère et la servante de cette pauvre demeure perdue dans la solitude de la plaine. Nania faisait tout et n'avait pas une minute de repos. Elle blutait la farine, cuisait le pain, soignait les poules et le cochon, cuisinait et cousait. Seulement, depuis 3 semaines, elle semblait distraite, négligeait les besognes domestiques, et, lorsqu'elle allait à la fontaine, elle restait dehors un peu plus longtemps qu'autrefois. À certaines heures, elle était prise d'une soudaine allégresse, chantait comme une alouette, courait et riait follement. Puis elle tombait en tristesse, devenait muette, pleurait même en secret. Et Zio Gavino, peinant sur son éternelle route, ne s'apercevait de rien. Yorji, frémissante et farouche, tenait les yeux fixés sur la petite fenêtre et, à travers les vitres, il suivait tous les mouvements de l'ingénieur et de la petite fée qui l'avaient ensorcelée. Nania était vêtue d'un corsage de brocart très usé, lacé par devant avec un ruban écarlate qui s'entrecroisait nombre de fois sur une chemise à larges manches boutonnées autour des poignets. À son cou fin, rougeoyait un fil de corail vulgaire. Elle avait les pieds nus, la tête nue, et elle apportait un pot à eau dans la chambre de l'ingénieur. Et Tiligerta vit d'abord sa petite amie sourire mélancoliquement au monsieur, et celui-ci l'enveloppait toute d'un regard et d'un sourire affable. Jusque-là, rien de mal, encore qu'il n'y eût pas de quoi être bien content. Gracieuse et svelte, Nania déposa le pot à eau près de la table de toilette, puis s'arrêta devant l'ingénieur qui lui disait quelque chose. Pourquoi cette éventée s'arrêtait-elle ainsi? Pourquoi ne s'en allait-elle pas tout de suite? Pourquoi parlait-elle à ce monsieur? Yorji ne percevait pas les paroles. D'ailleurs, ses oreilles bourdonnaient, et, alors même qu'il eût été dans la chambre, il n'aurait rien distingué, tant l'étourdissaient la jalousie et la colère. Non, il n'y avait plus de doute, il n'y avait plus de doute. Nania le trahissait. Nania aimait les beaux messieurs élégants et riches, même s'il n'était plus jeune. Yorji sentait le sang lui monter à la tête. Il aurait voulu s'élancer contre les vitres, les briser avec ses poings, hurler « Je suis là !» Il aurait voulu courir jusqu'à sa cabane, s'armer d'un fusil, revenir et tuer ce monsieur qui lui volait sa vie, son âme. Et cependant, il ne bougeait pas de place. Ah, ce qu'il voyait, ce qu'il voyait! Il crut qu'il devenait fou. D'un bond, il se rapprocha encore une fois de la fenêtre. L'ingénieur, avec ses mains délicates et blanches, caressait Nania, lui effleurait les cheveux, lui souriait, lui parlait, l'embrassait. Vous comprenez bien, il l'embrassait. Et elle le laissait faire, et elle souriait, et en même temps, elle pleurait. Yorji poussa une plainte, comme une bête blessée. L'ingénieur dut entendre quelque chose, car il s'approcha de la fenêtre. Mais Yorji s'était vivement rejeté en arrière, et l'autre ne l'aperçut pas. Quelques instants plus tard, le carré de lumière disparut de la route. Yorji vit que les volets de la fenêtre avaient été clos, et alors il lui sembla qu'il s'abîmait dans un puits ténébreux et sans fond. Il fut saisi d'une rage immense et d'une basse envie de se venger. Il se rua contre la porte de la maison, frappa avec furie. Il voulait réveiller Zio Gavino, l'appeler, lui crier « Regardez donc ce qui se passe chez vous, vieille bête !» Mais, sitôt qu'il eut frappé, il prit la fuite, s'enfonça dans le bois obscur. Une autre idée, beaucoup plus féroce, lui avait traversé l'esprit. Il voulait tuer l'ingénieur. Dès avant l'aube, Yorji, posté derrière une haie, à un quart d'heure de la maison du cantonnier, le fusil au poing, attendait l'ingénieur au passage pour lui envoyer une balle dans la tête. Il s'était mis à l'affût comme un chasseur, et son visage décomposé, ses yeux plus sombres qu'à l'ordinaire, exprimaient une résolution sauvage. En cette fraîche aurore d'avril, un vague enchantement de silence, de paix, de lumière, de parfum, régnait sur le paysage. L'extrême ligne du bois se dorait au reflet d'un orient couleur de topaze. Les buissons scintillaient de rosée, les pies chantaient gaiement. Mais Yorji ne voyait rien, n'entendait rien, et il se préparait à troubler par un crime la poésie de cette matinée idyllique. De la haie, il dominait un lombeau de route et voyait le petit pont sous lequel coulait paresseusement un filet d'eau pâle retenu par les joncs et les asphodèles qui garnissaient les bords du ruisseau. Et, machinalement, il repensait au rêve qu'il avait fait tant de fois, assis sur le parapet de ce pont, aux chansons qu'il avait chantées à pleine gorge, pour qu'elles fussent entendues de loin par Nania, à toutes les douceurs de ces 3 semaines d'amour. Par instant, au souvenir de ce bonheur perdu, il sentait son cœur se fondre de tendresse et de douleur, et les larmes lui emplissaient les yeux, et il lui semblait que, la nuit précédente, il avait eu un cauchemar. Mais le sentiment de l'affreuse réalité le ressaisissait bientôt, et la résolution renaissait plus forte en son âme d'accomplir le crime. Cependant, les 2 messieurs ne se montraient pas, et chaque minute paraissait un siècle au jeune pâtre. En outre, il craignait que des gens ne fussent là, sur la route, au moment propice. Et, de plus, il se sentait si agité qu'il avait peur de manquer son coup. Enfin, les voilà. Comme le soleil se levait sur l'horizon en feu, Yorji aperçut les 2 cavaliers. À travers les broussailles enchevêtrées de sa cachette, le jeune pâtre fixait sur l'ingénieur ses yeux perçants de faucon, grands ouverts et cruels. Et, tandis qu'il le considérait avec attention, ses lèvres se contractaient, blêmes de haine et de désespoir. Ah oui! Il était beau et bien habillé, celui-là. Que pouvait compter un pauvre pâtre, un Yorji Preda, surnommé Tiligerta, avec sa face noire et ses loques, devant un rival si blanc et si élégant? Nania, svelte et gracieuse comme une dame, avait bien raison de préférer un si beau monsieur à l'humble et sauvage lézard. Mais si les messieurs lui plaisaient, pourquoi avait-elle ensorcelé le pauvre pâtre? Pourquoi lui avait-elle dit qu'elle l'aimait, qu'elle l'attendrait pour se marier avec lui, qu'elle l'épouserait? Pourquoi? Sur le point de tuer un homme, Yorji avait une convulsive envie d'éclater en sanglots. Les messieurs approchaient. Tiligerta revit soudain Nania, sa petite Nania, qu'il adorait encore à l'égal de Notre-Dame du Miracle, se prêtant aux caresses de l'ingénieur. Et il épaula son vieux fusil, visa froidement, d'un œil. Or, comme l'ingénieur, qui certes ne songeait guère au péril suspendu sur sa tête, passait à portée du fusil braqué pour l'assassinat, il enleva par hasard son grand chapeau gris et le posa une minute sur l'arçon de sa selle, tout en continuant de causer avec son compagnon. Et, subitement, il se mit à sourire, le visage tourné vers la haie, à l'abri de laquelle se dissimulait Yorji. On aurait pu croire qu'il l'avait aperçu et que c'était à lui qu'il souriait. Au même instant, le soleil, se dégageant des brumes, baigna d'un rose jaunâtre la chaussée de la route et illumina le visage affable du cavalier. Yorji ne tira pas. Il laissa l'ingénieur passer sain et sauf. Ce visage illuminé, ce sourire, l'avait frappé d'étonnement, et sa main s'était arrêtée malgré lui. À 2 heures de l'après-midi, appuyé sur sa longue houlette, sceptre d'épâtre, debout comme le jour précédent parmi l'herbe et les marguerites du tertre, Yoji épiait l'arrivée de Nania. Dans la matinée, il s'était rendu à Nuoro avec la renle, c'est-à-dire avec le fromage frais, la recuite et le lait de la veille. Et il avait profité de l'occasion pour changer de vêtements et se faire propre. Dans la blancheur mate de sa chemise nouvelle, son visage, pâle encore de l'émotion soufferte, semblait presque blanc. Le chagrin et l'insomnie avaient affiné ses traits et cerné ses yeux. Nania fut ponctuelle, plus pâle aussi et plus sérieuse que d'habitude, avec son grand foulard jaune d'or étendu comme un manteau sur ses épaules, elle ressemblait à une de ces saintes figures que l'on admire dans les tableaux italiens du 15e siècle. Yoji la trouva plus belle que jamais, en éprouva une douceur telle qu'il ne l'avait jamais éprouvée, et se mit à la contempler, comme en extase. Dès qu'ils furent derrière le tertre, elle lui sourit et lui dit, de sa voix très douce, « Pourquoi t'es-tu fait si beau ?» Il ne répondit pas tout de suite, attacha sur elle des yeux sévères, et, malgré la tendresse qui lui remplissait le cœur, il voulut montrer qu'il était fâché. « Tu es plus belle, toi !» lui dit-il d'un ton brusque. Puis, de mauvaise grâce, il enleva la cruche que Nania portait sur sa tête, la posa par terre. Et, toujours sur le même ton, il ajouta « Il faut que nous causions longuement aujourd'hui !» Elle eut presque peur et le regarda avec une surprise inquiète. « Qu'est-ce que tu as ? » lui demanda-t-elle. « Assieds-toi là !» reprit-il en la forçant à s'asseoir sur une pierre. « Assieds-toi, il faut que je te parle !»« Non, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter !» fit-elle déjà tremblante. « Mon père !»« Ton père est loin, que le diable le cherche ! D'ailleurs, personne ne nous voit. Et quand bien même on nous verrait, quel mal y a-t-il ? Nous pouvons être des camarades, de simples connaissances !» « Pourquoi parles-tu de cette façon ? Que signifient ces paroles singulières ? Non, te dis-je, il est impossible que je m'arrête. Laisse-moi. » Il la saisit par les poignets. « Je veux que tu restes !» déclara-t-il. Cette violence effraya Nania et lui fit plaisir aussi. « Tu me fais mal !» murmura-t-elle toute tremblante. « Dis, qu'est-ce que tu as ? Tu es fâchée parce que je ne suis pas venue hier. Mais je n'ai pas pu. Ma sœur te l'a dit. L'entrepreneur et l'ingénieur étaient chez nous. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de besogne. C'est moi qui fais tout, tu sais bien. » En la voyant trembler et pâlir, Yoji lâcha prise. Mais il prit un air tragique et s'écarta un peu d'elle, épiant toujours le visage de la jeune fille. Une grande détresse lui torturait l'âme. Ah non, il n'y avait plus moyen de douter. Nania le trahissait, cela se voyait parfaitement. Elle avait peur, elle ne voulait pas s'arrêter, elle tremblait en parlant de cet homme. Donc elle le trahissait, donc elle le trahissait. Ah, comme il avait été stupide! « Mais enfin, qu'est-ce que tu as ?» répétait Nania. « Qu'est-ce que tu as ?»« Ce que j'ai !» s'écria-t-il en gesticulant comme un fou. « Eh bien, je vais te le dire ce que j'ai. Ou plutôt non, ce n'est pas la peine que je te le dise, car tu le sais mieux que moi. » « Mais non, je ne sais rien, Yoji, je ne sais rien. Est-ce que tu perds la tête ?»« C'est ça, traite-moi de fou maintenant. D'ailleurs, tu as raison. « Écoute, Nania, Tu es jeune, mais tu es plus maligne que moi. Des hommes comme moi, tu en piperais 20. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne continueras pas à te moquer de moi. Non, non. M'as-tu pris pour un enfant, pour un imbécile? T'imagines-tu que je sois un lézard tout de bon? Tu te trompes, ma chère. Je suis un pauvre pâtre hâlé, un va-nu-pied, un gueux, un pouilleux, tout ce qu'il te plaira. Mais je t'engage à ne pas te moquer de moi, car c'est un jeu qui pourrait te coûter cher. Sache-le bien, Nania, sache-le bien. » Il était menaçant. La rage faisait étinceler ses prunelles et ses mains tremblaient. Nania le regardait ébahie, et quand il eut terminé, elle ne trouva pas de mots pour se défendre. « Tu ne réponds pas, petite vipère, tu ne réponds pas !»« Ne crie donc pas si haut, » dit-elle enfin en levant les bras. « Si mon père nous entendait !»« Ton père !» s'écria-t-il avec mépris, en crachant sur l'herbe. « Voilà ce qu'il est, ton père. Il ne voit rien, n'entend rien dans sa propre maison, sourd et aveugle comme un bouchon de liège. Qu'il vienne ici, qu'il vienne! C'est moi qui lui dessillerai les yeux à ton père. » « Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'on t'a raconté ?» demanda Nania au désespoir. « On ne m'a rien raconté. J'ai vu, de mes yeux vus. J'ai vu, te dis-je. Et pourquoi aviez-vous laissé la fenêtre ouverte, ma chère? Mais ce matin, la mort n'a pas été loin de son nez à ton beau monsieur. Ah, les messieurs te plaisent. Leurs chemises empesées te plaisent. Et pourtant, il paraît que les pâtres sales te plaisent aussi. Tous les hommes te plaisent alors. Tous. Quelle fille es-tu donc? En vérité, tu commences bien. » Il lui saisit de nouveau les poignets et la secoua, lui parlant comme s'il était en délire. « Mais je le tuerai, ton beau monsieur. Je boirai son sang. Ce matin, je ne lui ai rien fait. Vois comme je suis fou. Je ne lui ai rien fait parce que je l'avais vu rire au soleil, rire d'une certaine manière, et il m'avait paru qu'il te ressemblait. Et alors je me suis dit, vois comme je suis fou, je me suis dit, qui sait, c'est peut-être son père. Voilà ce que je me suis dit, et je ne lui ai rien fait. Mais à présent, je me rends compte que ça n'avait pas le sens commun. Ton père, c'est Dio Gavino, que le diable emporte. Et le beau monsieur est ton amant. Et toi, tu es... » L'insulte s'arrêta dans sa gorge. Cependant, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel passaient sur le visage de Nania. Son cœur, son pauvre petit cœur palpitait à se briser. De grosses larmes ruisselaient de ses yeux. Mais elle ne protesta pas, ne nia pas, ne prononça pas une parole. Frappée de terreur, elle ne songea qu'à se sauver. Et elle le fit si rapidement que Yorji eut de la peine à la rejoindre sur la route. « Nania ! » balbutia-t-il en l'empoignant par le coude et en souriant malgré lui. « Je ne te croyais pas si mauvaise. Pourquoi fuir ? As-tu peur que je ne te tue ? » Elle se retourna, et, le voyant sourire, elle sourit à son tour. Son foulard avait glissé de ses épaules, et le soleil éclairait son visage, sa tête blonde. Yorji l'enveloppait d'un regard avide, et, dans cette physionomie souriante, il vit tant d'innocence qu'il en éprouva d'abord une grande stupeur. Et, continuant à observer ce visage, ses yeux verdâtres, ses traits, dont l'ensemble présentait une frappante ressemblance avec ceux de l'ingénieur, il fut éclairé par une évidence brusque, et il comprit tout. « Pardonne-moi, Nania, pardonne-moi » supplia-t-il avec des rires mêlés de sanglots. « Viens, faisons la paix. Aussi vrai que Dieu existe, je le jure par Notre-Dame du Miracle, jamais je ne dirai rien de cette affaire à personne. Si tu veux, Je ne t'en parlerai jamais à toi-même. Je ne te demanderai jamais rien. Je ne te demanderai pas même comment tu as su, comment il a fait pour t'apprendre. Non, rien, rien, rien. Je te jure que jamais je ne te demanderai rien. Mais viens avec moi chercher la cruche. Viens, viens. » Il la porta presque dans ses bras et la reconduisit à l'ombre. Elle le laissait conduire, plus morte que vive, pâle, inerte. Mais il eut l'imprudence d'ajouter. Qui aurait pu deviner ça? Qui aurait pu croire une chose pareille? Est-ce ta mère qui te l'a dit? Soudain, Nania se redressa, rouge de colère, et lui cria d'un air farouche. « Ma mère est morte, laisse-la en paix. Ma mère était une sainte femme. Si l'ingénieur m'embrassait, eh bien, ce n'est pas pour ce que tu viens de supposer. Et maintenant, Yorji, fais ce qu'il te plaira. Tue-moi si tu veux. » Et elle éclata en sanglots, parce qu'elle croyait ingénument qu'après de telles paroles, Yorji la planterait là, pour le moins. Mais Yorji n'était plus accessible au doute. Il demeura quelques minutes, immobile et stupéfait, considérant sa petite amie, dont les sanglots désespérés se perdaient dans le grand silence méridien, sans rien voir, sans rien entendre. Il éprouvait intérieurement quelque chose d'étrange, comme si une main lui avait étreint le cœur, comme si mille voix lui avaient résonné dans la poitrine. Et devant la petite Nania, qui sacrifiait son honneur et son amour, parce qu'elle espérait pouvoir ainsi préserver la mémoire de sa mère, il lui semblait que son âme, à lui-même, était noire et vêtue de haillons comme son corps. « Je suis indigne d'elle, » pensait-il. « Je suis un misérable lézard. Je devrais m'en aller. Elle épousera un monsieur. Quand Zio Gavino mourra, l'ingénieur la prendra avec lui, la légitimera, la dotera. Elle sera une dame. Elle est une sainte, et moi je suis un lâche. Oh oui, je devrais m'en aller. Va-t'en, Yorji, va-t'en, misérable lézard. » Mais il n'avait pas la force de faire un pas. Comment l'aurait-il pu, après tant de douces promesses échangées, après tant de rêves faits là-bas, sur le pont, tandis que les troupeaux se dispersaient entre les joncs et les asphodèles? Et ce baiser qu'il n'avait pas reçu encore? Il se rapprocha de Nania, se pencha vers elle. « Laisse-moi, laisse-moi !» murmura la jeune fille. Mais Yorji ouvrit les bras, lui enlaça la taille et lui donna tant de baisers que, finalement, il réussit à s'en faire rendre plus d'un.